Tiens, tout d'abord à remercier les organisateurs du séminaire de m'avoir invité à cette séance. Alors Frédéric avait connaissance de mon année de mise à disposition auprès de l'association Bernard Grégory entre 2007-2008. Il m'a persuadé que ce n'était pas trop ancien pour en parler aujourd'hui. Alors voilà, j'ai essayé de replonger dans mes souvenirs de cette expérience et je laisserai l'actualité donc des réformes pour mes deux collègues. Donc moi, je me situe plutôt juste après le pacte pour la recherche de 2006, puisque j'ai rencontré par hasard la responsable de l'association Bernard Grégory à un colloque que je ne connaissais absolument pas, mais bon, après discussion, elle a proposé la possibilité d'une mobilité éventuellement pour une année, voire deux, à l'association. Je dirais pourquoi j'ai accepté, peut-être, ce qui expliquera peut-être un point de vue un peu moins critique que mes deux collègues, on verra, ça sera après à débat, probablement. Alors, bien sûr, c'est un exposé très partiel sur les actions de professionnalisation. En 20 minutes, c'est pas possible de voir tous les avantages, les inconvénients, ni de s'appuyer non plus sur tous les travaux qui ont émergé depuis, que ce soit sur les sites de jeunes chercheurs, des associations, de doctorants, de docteurs, des ouvrages faits par des collectifs comme le collectif Pécresse sur la précarité. Donc depuis le début des années 2010, il y a une source assez plus importante de témoignages, d'analyses et de travaux. Alors je me reporte un peu en arrière sur tout d'abord les origines de cette professionnalisation, entre guillemets, même si à l'époque les initiateurs ne parlaient pas de professionnalisation. Enfin, je n'ai pas retrouvé beaucoup ce terme. Alors, un paradoxe, ah, mince, pardon, merci. Un paradoxe tout d'abord, ici, arrive, voilà. Donc, qui, je pense, assez bien connu ici, sur les docteurs qui possèdent le plus haut niveau de qualification, bac plus 8, mais on peine à se faire recruter dans les entreprises, en dépit de besoins d'innovation auxquels ils pourraient répondre. Donc, c'est un paradoxe assez bien connu. Que, en raison de la dualité du système d'enseignement supérieur français, nos dirigeants d'entreprise préfèrent les diplômés souvent des grandes écoles, grandes ou moins grandes, mais bac plus 5, et considèrent parfois même qu'une thèse, c'est du temps perdu, s'agirait d'un refuge pour éternel étudiant, donc de très nombreux préjugés. Donc vous en avez quelques-uns ici, alors que, repris, on en entend beaucoup parler quand on travaille à l'association Bernard Grégory, bien sûr, la méconnaissance de l'entreprise, une ignorance des contraintes du marché, une préférence pour la recherche plutôt que pour le développement. Une spécialisation trop poussée, des problèmes de communication avec les non-scientifiques, un manque d'ouverture d'esprit, enfin on peut continuer comme ça longtemps. Donc voilà, il y a une sorte de liste, comme ça, de catalogue de préjugés sur les docteurs, des préjugés qui se rencontrent réellement et que les personnes qui travaillent à la BG ont pour tâche d'essayer de supprimer, voire de réduire. Donc, c'est cette lutte contre préjugés et stéréotypes attachés aux jeunes chercheurs, qui peut aller jusqu'à, bon, c'est une anecdote, hein, mais parler de moins-value de la thèse pour une embauche en 2004 par un dirigeant d'un grand groupe de haute technologie. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Pas besoin de faire une thèse pour un ingénieur. On préfère recruter des ingénieurs. La thèse serait vraiment une perte de temps. On l'entend aussi dans des conférences auxquelles j'ai pu assister, organisées par l'Association nationale des docteurs et sciences à l'ESPCI en décembre 2004, déjà auparavant, où en effet des témoignages de dirigeants de PME, PMI, pour qui les docteurs seraient des gens qui pensent, qui réfléchissent, et donc ça fait peur. C'est l'image de l'université qui est mal connue, mal aimée, et hors de l'action surtout, hors du temps de l'action. Voilà. Donc, des stéréotypes et préjugés attachés au docteur, moins pour les conventions CIFRE, pour ceux qui ont eu des bourses, ex-bourses CIFRE, conventions industrielles de formation par la recherche, passées entre le doctorant, le laboratoire et une entreprise, puisque le jeune chercheur sera familiarisé avec l'entreprise. Donc voilà, on a réellement, on peut parler de stigmates à la Goffman, attachés à l'étudiant, l'éternel étudiant, et celui qui a enchaîner plusieurs stages postdoctoraux aura encore plus de mal à se faire embaucher. au-delà du stéréotype, ça peut même être une complète méconnaissance du terme docteur, puisque la personne qui vous parle a eu l'expérience de distribuer des plaquettes lors d'un trophée, style trophée d'entreprise, et de s'entendre dire « Ah non, non, excusez-moi, j'ai pas besoin de docteur, j'ai déjà mon médecin du travail. » Bon, voilà, c'est authentique. Hein. Donc après, il s'est repris tout de suite, mais « Ah oui, vous voulez dire des chercheurs, oui, pardon. » Voilà, des choses comme ça, on en entend. Donc il y a des chiffres également, là j'en vois aux travaux du CEREC, hein, par exemple, de Giré et Julien Calment, pardon, et Jean-François Giré, qui font des statistiques, qui exploitent. Donc moi, je me resitue en 2007, donc j'ai pris les chiffres 2007 qu'ils ont étudiés sur la génération 2004. 28% des docteurs ayant soutenu leur thèse 3 ans auparavant, avec certaines caractéristiques, la nationalité française, hors santé, sont employés en contrat à durée déterminée, taux de chômage à 10% contre 5% chez les diplômés des grandes écoles, 8% pour l'ensemble des diplômés du supérieur. Et la situation s'était dégradée donc en 2007 par rapport à 99, où on avait un taux de chômage de 7%. Alors, il y a aussi des chiffres, on n'a peut-être pas le temps sur les disciplines. Les lettres, mais la chimie, par exemple, en 2007, arrivait à 13-14%. La biologie, 10%, avec un taux de record de CDD à 51%. Mathématiques et physique, 9%. Ceux qui s'en sortaient le mieux, c'était les sciences pour l'ingénieur, 6%, à peu près comme les écoles d'ingénieurs. Voilà, donc ça, il y a beaucoup de statistiques et de chiffres, donc on peut regarder leurs travaux. Alors, pour essayer de... Oui, je crois que je vais aller plus vite là-dessus, excusez-moi, parce que c'est vrai que finalement, de se replonger 10 ans en arrière, on retrouve beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais c'est un peu trop long, donc là, je vais essayer de raccourcir. Juste signaler que la méconnaissance joue des deux côtés quand même aussi, que s'il n'y a pas... Bon, dans les entreprises, on ignore les docteurs. Du côté des doctorants et de l'université, il y a aussi des préjugés attachés à l'entreprise. Alors, évidemment, la recherche du profit, ce n'est pas forcément des préjugés d'ailleurs, mais enfin, la recherche du profit, contraintes temporelles, très fortes, soucis prioritaires pour les applications, etc. Donc, une méconnaissance réciproque qui a été à l'origine d'une association dédiée à l'emploi des docteurs. Mais alors, qui remonte à la fin des années 70, même 1977, donc on est dans un autre contexte, suite à la première crise pétrolière, puis deuxième crise pétrolière. À la fin des années 70, même les physiciens ont du mal à trouver des emplois dans les entreprises. Et c'est Bernard Grégory, donc le nom qui a laissé son nom à cette association, physicien des particules, brillant physicien, polytechnicien, doublement major, ingénieur corps des mines, mais vrai chercheur, qui a fait beaucoup de travaux en physique des particules, a dirigé le CERN à Genève, directeur général du CNRS ensuite, puis délégué général à la recherche scientifique en 1976, fonction qu'il aurait épuisée, trop politique, paraît-il, puisqu'il en est décédé prématurément en 1977. La cause ne sont pas complètement reliées, mais bon, il paraît que ça l'épuisait. 77, il s'inquiète donc des débouchés de des jeunes chercheurs et met sur pied un groupe de travail où l'on réfléchit sur comment mieux faire connaître les universitaires docteurs par rapport aux ingénieurs pour pouvoir les faire embaucher dans les entreprises. Ensuite, Pierre Aigrin, le physicien Pierre Aigrin, qui est devenu secrétaire d'État à la recherche, qui transforme ce comité en mission à l'emploi scientifique. Et un grand colloque est organisé à Compiègne en 1979 pour sensibiliser les responsables de laboratoires, les universités, grandes écoles. Et enfin, en juin 1980, Pierre Aigrin présente le projet de création d'une association à des représentants d'entreprises et de centres de recherche réunis au Palais de la Découverte, lieu symbolique, on parle de science quand même. La première assemblée générale de l'association Bernard Grégory a lieu à l'Institut Pasteur, donc en 1980. Alors la structure, un conseil d'administration dans lequel sont réunis à parité des représentants du secteur privé et du secteur public d'enseignement supérieur de recherche, sans oublier des associations de docteurs qui vont participer à pour reprendre l'expression de Claude Dubard, la construction historiquement située des dispositifs et des conduites d'insertion. Alors, à côté de ce conseil d'administration réunissant donc représentants du public et du privé, on a une quinzaine de personnes, bon, je n'ai pas mis l'organigramme, c'est petit, hein, le siège de la BG est petit, c'est une quinzaine de personnes, en 2007-2008 c'était Boulevard Sébastopol, service emploi essentiellement, qui s'occupe d'une CVTech et des offres d'emploi. Donc ça c'était vraiment leur activité pionnière. Puis Ensuite, on développait beaucoup de communication, sites web, événementiels, lettres, la lettre de l'ABG pour faire connaître les chercheurs auprès des entreprises. Voici leur logo et leur mission, donc un docteur du côté de la recherche académique, doctorant et jeune docteur, qu'il faut pouvoir insérer dans le monde de l'entreprise, hein, le petit point rouge, voilà, qu'on arrive à transférer, en lui donnant des conseils individuels, des services pour l'emploi, de la professionnalisation et de l'information. Là, il y a déjà le mot professionnalisation, donc dans les années 2000, dans le secteur socio-économique. Alors, les réseaux de l'ABG, alors, dans les universités, ils s'appuient sur à peu près 300 correspondants. Donc, ce sont soit des enseignants-chercheurs, des chercheurs du CNRS aussi ou d'autres organismes, soit des IATOS, des services, anciens services universitaires d'information et d'orientation, qui ont souvent un peu changé de nom, mais qui s'occupent, donc, qui peuvent être correspondants ABG sur un mode assez militant. Il faut absolument lutter contre les préjugés sur les docteurs. Il faut pouvoir les faire connaître auprès des entreprises et faciliter leur emploi. Donc ici, vous avez les réseaux de l'ABG, donc du côté des institutions publiques de recherche, universités, pouvoir public, donc nos correspondants dans l'université, beaucoup de liens avec le MEDEF, avec les organisations patronales. Quand j'y étais, il y avait quelque chose qui se mettait en place avec l'UIMM, donc il y a quelques problèmes en même temps, mais voilà. Donc vous avez des contacts du côté, une structure de médiation, pardon, entre établissements publics de recherche et secteur privé. Et les entreprises adhèrent, hein, payent une cotisation et adhèrent à l'ABG. Vous aviez, quand j'y étais, donc c'est le président était directeur des ressources humaines, enfin responsable des ressources humaines pour la R&D de L'Oréal, par exemple. Voilà, donc vous avez comme président dirigeant d'entreprise et comme directeur, c'était donc 2006 une professeure de Paris 8 venue des sciences de l'éducation en 2006 qui prenait la suite de l'ancienne secrétaire du comité national du CNRS, Marie-Gabrielle Schweighofer, auparavant Martine Pretzey, c'est les sciences de l'éducation, donc voilà, les profils peuvent varier, y compris les personnes qui travaillent. On avait des journalistes donc pour les sites web et la communication, informaticiens, beaucoup, qui occupent une grande place à l'ABG, des personnes qui sont occupées de l'emploi des chercheurs déjà au CNRS, et puis des administratifs, des personnes détachées comme un chimiste à mi-temps, au service formation où je me suis retrouvée. Voilà. Alors pourquoi j'ai accepté ça? Oui, je peux peut-être éventuellement dire un mot, même s'il vaut mieux accélérer, mais bon. D'abord, j'avais fait une thèse sur le CNRS, sur les commissions du Comité national en physique et en biologie. Vu le déroulement de cette thèse, qui a été un petit peu tendue, puisqu'il a fallu changer de directeur de thèse pour pouvoir soutenir, sans trop déformer mes entretiens, j'avais peu d'espoir sur ma carrière académique, donc j'ai postulé du côté université CNRS, bien sûr, mais également commencé à prospecter du côté du privé. Et de ce côté-là, je me suis rendu compte qu'en effet, je n'étais vraiment pas prête à manier le langage de l'entreprise, à savoir faire un CV, hein, un curriculum vitae académique le plus long possible dans l'entreprise. Il doit être lu en 30 secondes, donc évidemment, on a deux extrêmes. C'était assez intéressant pendant ces quelques mois. Enfin, bon, heureusement, j'étais tout de suite limogée. Donc, voilà. Mais cette expérience m'a permis de comprendre qu'il y avait une préparation nécessaire quand on cherche du travail, quand on ne maîtrise pas une culture, des codes, un vocabulaire particulier. Et que je n'étais pas choquée par l'idée de préparer, d'aider à préparer, d'être utile aux doctorants, aux docteurs pour pouvoir faciliter la recherche d'emploi, pour avoir un petit peu expérimenté pendant quelques mois. Voilà, donc là, je vous ai mis quelques chiffres sur l'association Bernard Grégory, le nombre d'offres d'emploi qu'ils reçoivent, qu'ils prospectent aussi, 3300 offres d'emploi, 2400 aussi propositions de thèse, et ils recensent des propositions de thèse également, mais ce n'est pas leur activité principale. Les banques de CV, pardon, les banques de CV des docteurs, excusez-moi, les abonnés à la Doc & Co, ils ont leur journal, les visites sur Internet, et puis cette formation à laquelle je vais participer, un peu au suivi, donc je vous en parlerai. Voilà, donc, pardon, ça c'était mon expérience, oui, voilà, donc de CV exactement, j'avais vécu ça un petit peu, donc le CV qui ne correspondait pas du tout aux attentes d'une entreprise de conseil, donc... De plus, ça permettait de voir de l'intérieur, de la gestion des ressources humaines appliquée aux chercheurs. Donc ça, c'était plutôt intéressant aussi du point de vue poursuite de la thématique sur la politique de la science, politique de la recherche, métier de la recherche, trajectoire. Alors voilà comment on présente à l'ABG leur programme de professionnalisation. Donc, début de la thèse, ce que j'ai mis en blanc, qui est illisible, c'est normal, c'est fait exprès, c'était en cours d'élaboration. Donc ils commençaient à peine à réfléchir à ce qu'un programme avant thèse, j'en parlerai pas maintenant, si vous avez des questions après, si on a le temps, et auto-évaluation. Mea culpa, Frédéric, j'ai participé à l'élaboration d'un outil de professionnalisation avec guide d'entretien assez particulier, enfin un questionnaire, on verra en quoi ça consiste, qui bien sûr pendant ce temps fait concurrence au temps de la recherche. Hein, donc c'est toujours ce problème de concilier des formations professionnalisantes qui s'appuient sur la thèse mais qui cherchent à en sortir avec un véritable travail de recherche scientifique. Donc, première année, les doctoriales, je pense qu'ici vous avez peut-être entendu parler de ce séminaire en résidentiel pour une centaine de doctorants pendant 5 jours qui sont sortis de leur laboratoire et pour toute discipline et qui vont avoir un programme de formation, découverte de l'entreprise, projet innovant pendant une journée. Ils sont mis dans des équipes pluridisciplinaires et doivent à la fin présenter un projet devant un jury composé de membres du secteur privé également. Donc, le nouveau chapitre de la thèse, je détaillerai un peu plus ça, qui consiste à rédiger et à être accompagné dans la rédaction d'une réflexion sur sa thèse à la fin, donc, en troisième année, un peu avant la soutenance. Donc, là aussi, ça peut poser des problèmes de calendrier. Et une tentative par un bénévole ex-cadre chez Renault, ex-chercheur normalien devenu aussi responsable R&D chez Renault, pour aider les jeunes chercheurs à se présenter et à passer un entretien d'embauche. Vraiment, l'entraînement à l'entretien d'embauche, il le faisait en anglais, exprès pour prendre de la distance, et parce qu'en R&D, on demande aussi de parler facilement l'anglais. Donc, on avait aussi cet atelier, mais il était tout seul à faire ça. Donc, un véritable militant. Alors, on peut parler de militantisme, je pense, de ce côté-là. Voilà, alors la jeunesse des formations ABG, juste pour vous, j'ai encore combien de temps? 10 minutes, un quart d'heure? Moi, ça va encore? C'est plus que 180 secondes. Ma thèse, j'ai assisté à Nancy à ça, c'est impressionnant aussi. Oui. Il y a qui c'est? Jean-François, qui analyse ça. J'ai vu qu'il y a, oui, il y a eu un des travaux d'un docteur de HSS qui a travaillé sur les doctoriales, je crois qu'il analyse maintenant la thèse en 180 secondes. Il est venu présenter. Il a présenté. Son travail ici. Il peut venir. Voilà. Donc, pardon. Oh là là. Donc, pendant la période doctorale, alors l'origine des doctoriales, puisqu'on m'a demandé de retracer plutôt la genèse, elles ont été expérimentées en 1994. Et l'origine est militaire, on peut dire ça comme ça. Enfin, c'est en tout cas un physicien qui travaillait à la DRET à l'époque, donc du ministère de la Défense, qui a été sensibilisé toujours à cet avenir des jeunes chercheurs. Alors voilà comment il les voit, ceux qui, incapables de se vendre, ne pouvaient lutter à armes égales avec les produits bien calibrés sortant des grandes écoles. Donc chez ces pionniers de l'insertion des doctorants et de ces actions de professionnalisation, on a vraiment ce souci de rendre les docteurs compétitifs face aux diplômés des grandes écoles, et notamment des physiciens, puisque beaucoup de grandes écoles d'ingénieurs sont orientées bien sûr, dans cette discipline. Voilà, donc Claude Weisbuch, propose cette idée de séminaire. Alors, il était lui-même passé par les célèbres Bell Labs aux États-Unis, Saint-Gobain, Thomson, pour diriger ensuite donc la direction de la recherche et des études techniques du ministère de la Défense. Donc, il fallait faire prendre conscience aux docteurs des capacités en matière d'innovation, aux entrepreneurs des capacités d'innovation des docteurs. Voilà, donc. Ce séminaire expérimenté donc en 94 a donné des bons résultats selon les promoteurs, en proposant une découverte collective du monde économique de l'entreprise lors de ces séminaires, élaboration d'un projet innovant en équipe pluridisciplinaire, pendant ce que je viens de mentionner, l'information sur le contexte de l'emploi des docteurs aussi également, des chiffres sur l'insertion, sur les secteurs qui recrutent, ceux qui recrutent moins, enfin, voilà, des présentations de ce type. Et puis l'introduction à la réflexion sur le projet personnel et professionnel, qui se pratique maintenant beaucoup, en tout cas à l'UT, c'est très, très présent. Je pense que dans plusieurs établissements, désormais, on a des modules de formation pour inciter les étudiants à réfléchir à leur choix d'orientation. Voilà. Autre, oui, alors, j'ai fait une enquête quand j'étais à la BG sur l'organisation des doctorales. C'était plus sur l'organisation hein, que sur le contenu même, mais on voyait déjà tous les problèmes que ça pouvait poser dans les universités pour obtenir d'un directeur de laboratoire, par exemple, de laisser partir son doctorant pendant une semaine entière. Ça peut créer quelques tensions. Il était question peut-être de diviser en deux moments, au lieu de faire 5 jours, une semaine entière. Est-ce qu'on ne peut pas faire 2 jours, puis 3 jours? Les écoles doctorales proposant de plus en plus de modules également de formation. Parfois, ça crée des répétitions, des redondances. Donc, ils essayaient de réfléchir à la meilleure planification possible. Et puis, des difficultés pour trouver des entreprises accueillant des visites de grands groupes de jeunes chercheurs. Finalement, lorsqu'on est dans des régions où il n'y a pas énormément de R&D, on peut avoir du mal à trouver des entreprises pour faire ces visites d'entreprise en termes de recherche-développement. Alors, haute formation, la valorisation des compétences, ce nouveau chapitre de la thèse. Alors, son origine, toujours une méthodologie expérimentale lancée par 3 écoles doctorales en sciences de l'univers, associées à l'INSU, hein, l'Institut national donc, des sciences de l'univers du CNRS, et l'ABG, qui vont tester en 2000 ce programme de valorisation des compétences. Alors, c'est aussi l'année où le ministère décide la généralisation des écoles doctorales. Alors, qui on trouve? On trouve Pierre Léna, par exemple, je ne sais pas si... Oui. Astrophysicien, donc professeur à Paris 8, membre de l'Académie des sciences depuis 1991, et très engagé dans les actions de diffusion de la science et de l'éducation aux sciences, par exemple dans le primaire, avec le programme Main à la pâte. Il était l'un des 3 cofondateurs de la Main à la pâte avec Charpak et Quéré. On trouve aussi un physicien de l'atmosphère et du climat, président du CNRS de 2000 jusqu'à son décès, Gérard Mégy. Voilà, donc ces personnes-là sont soucieuses de faire en sorte que le jeune chercheur puisse parler de sa thèse à un public non averti, en quelque sorte soit capable de vulgariser son sujet de thèse, alors pas en 180 secondes, mais en un peu plus de temps, il va y avoir une soutenance orale, une présentation, une discussion, ensuite une demi-heure à 3/4 d'heure selon les écoles doctorales, avec des membres donc du privé qui vont venir écouter cette soutenance. Il s'agit de reconstruire, on va voir cette thèse comme un projet, comme une expérience professionnelle de conduite de projet. Donc, on va demander aux jeunes chercheurs, je vais peut-être revenir un tout petit peu si j'ai le temps ensuite, de parler de sa thèse comme d'un projet en reconstruisant le passé. Alors, voyez l'objectif des personnes à l'origine de cette formation. Leur aptitude à la recherche est évaluée en parallèle à de multiples autres critères. Or, force est de constater que bon nombre de doctorants ne sont pas ou peu préparés à cette évolution professionnelle. Donc, encourager les doctorants à préparer leur après-thèse en les aidant à faire le point sur les compétences et savoir-faire professionnels développés au cours de leurs 3 années de recherche. Il s'agit de faire une sorte de bilan de compétences et de réfléchir à sa thèse en utilisant l'outil privilégié dans les entreprises de conduite du projet. On fixe des objectifs, où on planifie des moyens, des ressources financières, humaines, un calendrier, voire même un diagramme de Gantt, hein, toujours droit à ça. Donc un calendrier très sophistiqué de planification des différentes étapes de son projet jusqu'au résultat escompté, avec rétro-planning, jalons, points durs, pour voir à quel point on a pris du retard ou pas. Normalement, ça se fait pendant le déroulement du projet. Là, on demande au jeune chercheur, à la fin de sa thèse, fin de troisième année, de reconstruire a posteriori sa thèse dans le langage de l'entreprise de la conduite du projet pour pouvoir, par exemple, en entretien d'embauche, montrer qu'on maîtrise cet outil privilégié dans les entreprises. Donc, on sait conduire un projet. Donc, que la thèse est un projet. Donc, on peut dire à un recruteur qu'on est parfaitement à même, comme les ingénieurs, de conduire des projets scientifiques. Voilà. Donc, voilà, vous voyez, on retrouve cette concurrence par rapport aux ingénieurs. Les docteurs ne savaient pas se présenter face à des recruteurs comme des professionnels polyvalents, à la différence des ingénieurs qui savent se présenter comme des personnes sachant tout faire. Le docteur, au contraire, se présente comme un spécialiste. Les entreprises, souvent, préfèrent plus la polyvalence et la gestion par les compétences que par les qualifications. Mon voisin est le spécialiste, nous en parlons certainement. Voilà, donc il fallait donc les extraire de leur expertise. Vous voyez, là, le vocabulaire est assez fort. Donc, les extraire de leur expertise en montrant qu'ils avaient géré leur thèse comme un projet. L'autre, et ça, ça veut dire non seulement parler du contenu scientifique, mais parler du timing, du respect des délais, des relations avec les fournisseurs, si on a commandé des instruments scientifiques, avec des clients éventuels, si on travaillait pour en relation avec les industriels, le planning, la réactivité, la gestion des délais, faire face aux imprévus, enfin voilà, reconstruire ça, son expérience de thèse en matière de projet. Voilà, donc ça, vous voyez comment on présente ici, je vous ai mis pour... j'accélère, je pense, voilà comment l'ABG présente ce nouveau chapitre de la thèse, donc, qui va bénéficier d'un accompagnement avec un mentor. Alors, mentor qui, dans le meilleur des cas, est un spécialiste de recherche et développement, ça, c'est, quand c'est comme ça, c'est très bien pour les doctorants, c'est pas toujours le cas non plus, ça peut être des consultants, ressources humaines aussi, ça peut être utile. Alors, tout dépend de la qualité, on va dire, du mentor. Et ça, ce sont les écoles doctorales qui en proposent. L'association Bernard Grégory a des listes également. Et donc, il y a des échanges pour savoir qui va intervenir comme mentor auprès de ces jeunes chercheurs pour mettre en évidence les compétences professionnelles transversales. Voilà, il faut sortir de sa spécialité et montrer ses atouts en termes de savoir-faire, savoir-être surtout aussi. Voilà, donc savoir présenter son travail de recherche à des acteurs du monde socio-économique et identifier aussi des perspectives d'insertion professionnelle. Donc cet exercice doit normalement déboucher sur des pistes à explorer pour le jeune chercheur qui soit veut prospecter aussi bien du côté du privé que du côté académique, soit il y en a aussi 30% à peu près qui n'envisageaient pas de postuler dans la recherche publique. Donc 70% à peu près à l'époque dans les statistiques envisageaient le public, mais pas à unanimité. Et donc on rencontre évidemment chez ces chercheurs une forte attente pour réussir à décrocher des entretiens puis à être recruté. Alors ce nouveau chapitre, voilà le contenu, présentation de l'intérêt scientifique le sujet, mais aussi les enjeux scientifiques et autres que scientifiques, les modalités de gestion, l'organisation, la gestion des risques, les moyens mis en jeu, l'illustration des compétences acquises, en prenant des exemples, savoir-faire, savoir-être, enfin, on retrouve toutes les notions de la gestion des ressources humaines, compétences transférables et identification des retombées, y compris en termes de pistes professionnelles ouvertes aux jeunes chercheurs. Voilà pour l'essentiel donc, de cette formation. Évidemment, les questionnaires de satisfaction après sont positifs. Les jeunes disent « ça m'a pris du temps et de l'énergie, mais je ne le regrette pas. Cette expérience était vraiment intéressante. Je suis convaincue que l'expérience du nouveau chapitre de la thèse m'a beaucoup aidée lors des entretiens et des négociations pour obtenir cet emploi. Bon, » les échos sont plutôt positifs comme exercice. Et après, il faudrait avoir... plus de détails, mais on a des questionnaires de satisfaction à 90%, 80%, 90% entre positif et très positif. Voilà. Les résultats, 40% ont prospecté exclusivement dans le secteur privé, sur une enquête qui a été faite en 2006-2007, je pense, à l'ABG, auprès des jeunes chercheurs qui ont suivi ce nouveau chapitre de la thèse. 40% ont prospecté seulement dans le privé, 15% dans le privé et public et 45% seulement dans le public. Donc évidemment, ce n'est pas une reconversion complète des choix d'orientation, mais on a quand même une bonne proportion, presque 40% qui prospectent uniquement dans le privé. Alors, voilà, là aussi, on trouvait sur le site à l'époque ces présentations-là, des doctorales, bon, là, je passe un peu plus vite, souvent c'est tout petit de toute façon, et du nouveau chapitre de la thèse avec un calendrier. Évidemment, on est soumis aux contraintes des différentes sessions. On a un appel d'offres auprès du ministère. Ensuite, on pourra parler financièrement aussi du coût, si ça vous intéresse. Il y a des délais à respecter pour pouvoir obtenir, bien sûr, la subvention. Et ce calendrier est assez contraignant et donne beaucoup une activité de gestion très importante à l'ABG pour pouvoir suivre les 500 doctorants. Ils ambitionnaient 500 doctorants en 2008. L'année où j'étais, il y en avait 400 pratiquement, sur toute la France, hein, qui avaient suivi ce nouveau chapitre de la thèse. Il faut gérer toute la logistique derrière. Voilà. Alors ça, c'était pendant la thèse. On a aussi des deux extrémités du cycle. On laisse combien? Parce que sinon, je ne peux pas en parler du tout. Mais... 5 minutes de plus. 5 minutes de plus pour les deux extrémités. Ouais. Alors, l'entretien d'embauche, de toute façon, comme j'ai déjà mentionné, Jean-Claude Herman, ce docteur en physique, ancien cadre de Renault, qui va former nos docteurs à se présenter dans le privé. J'ai assisté à des séances, c'est quand même assez... Ça peut être presque traumatisant. Hein. Je veux dire, présentez-vous en deux secondes, on va dire, allez, en 2 minutes, en anglais, soyez capable d'attirer l'attention de votre interlocuteur. Pas si facile que ça. Sur son sujet de thèse, sur qui on est, c'est les exercices d'entretien d'embauche. Voilà, donc cette fois-ci intégralement en anglais, en oubliant qu'on est un spécialiste et en essayant de montrer en quoi on peut intéresser son interlocuteur. Donc l'exercice était vraiment de prendre du recul pour sortir de son sujet en le valorisant pour des personnes absolument non spécialistes, voire dans un tout autre secteur. Un groupe de travail sur les post-docs. En 2007, le problème commençait à émerger de la précarité. On avait le mouvement Sauvons la recherche lancé début 2004 suite à l'augmentation du nombre de CDD, l'installation de la nouvelle de l'agence pour la recherche avec une augmentation de financement sur projet et une explosion des contrats à durée déterminée. Donc on commence à prendre conscience du problème d'insertion professionnelle lorsque des post-docs ayant poursuivi pendant plusieurs années après la thèse, ne trouvaient pas d'emploi dans le public. Pour le privé, c'était encore plus difficile ensuite. Donc le ministère, à l'époque, ne voulait pas encore en entendre vraiment parler. D'ailleurs, l'intitulé de l'atelier était au début post-doc, le groupe de travail, avec représentants de Saint-Gobain, de l'INSERM. Dans les sciences biomédicales, on avait vraiment une explosion encore plus rapide des contrats à court terme. Et il a été renommé carrière et jeune chercheur. Bon, c'était un peu diplomatique parce que le ministère était un peu perturbé par le nombre de financements variés chez cette population qu'on n'arrivait pas non plus à faire revenir des États-Unis, par exemple. On avait ce problème de fuite des cerveaux. Comment faire revenir nos jeunes chercheurs et comment réussir à insérer professionnellement ceux qui sont ici? Et puis à l'autre extrémité, une nouvelle formation avant thèse qui a été mise en place finalement, qui consistait à inciter les étudiants de master à réfléchir à leur choix d'orientation, à l'opportunité de faire une thèse. Parce qu'on constatait un déclin déjà de l'attractivité du doctorat. Et en plus, dans les sciences, il y a certaines disciplines qui avaient un petit peu de mal à trouver des étudiants de master motivés, intéressés par une thèse. Et également, éviter le fait d'avoir des étudiants qui se démotivent très vite en fonction, par rapport au contexte d'emploi. Donc, les faire réfléchir sur leur envie, pourquoi ils ont envie de faire une thèse, vraiment, et sur leur motivation pour s'engager dans cette expérience qui pouvait être une expérience vraiment sur le long terme. Voilà. Alors, quelques éléments d'analyse, juste pour conclure. Il y a beaucoup de choses à en dire sur la gestion du temps, par exemple, dans ces formations qui ne font pas du tout appel de la même façon au calendrier du jeune chercheur. Il y a ces problèmes de disponibilité d'une semaine entière pour les doctoriales, par exemple. À l'opposé, un questionnaire d'auto-évaluation peut être rempli chez soi. Il le propose d'ailleurs en ligne maintenant. La BG l'a mis en ligne gratuitement à l'époque, en tout cas en 2010, c'était mis en ligne. On peut le faire chez soi en dehors des heures de travail. Donc voilà, on a un grand panel de ces formations qui peuvent vraiment entrer en directe concurrence avec la recherche ou être faites en plus de façon pas trop, qui ne désorganise pas trop l'activité principale. De manière générale, on a l'impression que ces outils de formation servent à rationaliser le temps passé à cette thèse, ce fameux temps perdu pour certains dirigeants d'entreprise. Il faut montrer qu'il n'est pas perdu du tout, mais qu'il a été très utile, qu'il a permis d'acquérir des compétences. Et on peut aussi penser que ça suscite une sorte de conversion identitaire. Enfin, on peut reprendre des analyses de Dubard sur la double transaction identitaire, la façon de se présenter aux autres en transformant son identité pour les les autres et son identité pour soi. Parce qu'il y a certains jeunes chercheurs qui éprouvent réellement une sorte de choc culturel, on va dire, en découvrant le monde de l'entreprise, parfois en découvrant des secteurs qui les intéressaient plus que ce qu'ils pouvaient imaginer, parfois le contraire également, en se confirmant qu'ils ne veulent pas aller dans l'entreprise. Mais l'idée de ces formations, finalement, c'est à la fois de reconstruire son passé d'une autre manière, en racontant sa thèse dans le langage de l'entreprise, style gestion de projet, et aussi à agir sur sa propre identité, dans la façon dont on se projette dans le futur. Est-ce que l'on se voit comme chercheur académique dans un laboratoire, enseignant-chercheur dans une université, chercheur en recherche industrielle dans un laboratoire du privé, ou, pourquoi pas, une profession complètement différente également, comme dans les pays anglo-saxons, où le PhD est le diplôme le plus valorisé, le plus élevé, et les docteurs américains ou anglais sont recrutés absolument dans tous les secteurs de l'économie. Voilà, donc il n'y a pas de spécificité propre, on n'a pas la concurrence des grandes écoles, et ils peuvent être appréciés partout. Donc on peut voir un peu ces formations comme une volonté, alors d'une part d'aider l'étudiant, jeune chercheur, à vulgariser sa thèse, à la vendre entre guillemets auprès d'un recruteur, à le présenter comme un professionnel de la recherche, apte à vulgariser et à s'adapter à un autre univers. On peut souligner que cette professionnalisation était réclamée par, telle qu'on l'entend ici en tout cas je pense, par les associations de jeunes chercheurs. J'ai assisté à un séminaire où la Confédération des jeunes chercheurs ne voulait absolument plus entendre parler du mot étudiant. Le thésard n'était pas un étudiant, le thésard était un jeune chercheur faisant une première expérience professionnelle de recherche. Et à l'époque, en tout cas, ça a peut-être changé, mais dans leur stratégie, il s'agissait de faire reconnaître la thèse comme une première expérience professionnelle, pour la faire reconnaître dans les conventions collectives, par exemple. Chose qui n'est toujours pas faite. À l'époque, c'était la chimie. Seulement la chimie reconnaît depuis très longtemps le doctorat dans ses conventions collectives. La loi de 2013, la loi Fiorazzo, a inscrit en effet cette reconnaissance du doctorat et prévoit des négociations entre partenaires sociaux, je pense, mais je ne sais pas si ça peut être plus ou moins. Je crois que ça n'a pas avancé. Il y a une convention cadre entre le MEDEF et la CPU, mais qui évite de tout contenu et surtout de tout engagement de la part du MEDEF. Voilà, c'est toujours au même stade. Et de la part de l'État, c'est pareil. Toujours au même stade. Donc, on peut voir cette professionnalisation, en effet, comme une volonté de se faire reconnaître en dehors du secteur académique et de maîtriser donc ces éléments de conduite de projet. Il s'agit donc aussi de montrer que la thèse permet d'acquérir des compétences non scientifiques, donc de valoriser son expérience et d'anticiper. De construire ce projet, ce fameux projet professionnel. Et là, on peut évidemment avoir aussi une vision critique. Là, je renvoie aux analyses de Jean-Paul Boutinet, sa spécialiste du projet, je crois, anthropologue du projet, où le projet peut servir à se construire une nouvelle identité, en effet, de façon positive, mais également peut susciter des pathologies de conduites à projet en insistant sur le narcissisme que cela peut créer, sur la nécessaire maîtrise du temps, sur les pressions temporelles exercées par le projet, au sens managérial et non pas au sens scientifique. Je soulignais que les scientifiques font des projets scientifiques depuis très longtemps, depuis le 18e, le 19e, ils réfléchissent à leur recherche comme à un projet de recherche. Au 20e siècle, on a des scientifiques qui font des projets de recherche sans attendre la gestion de projet au sens ingénieur. Là, il s'agit d'un projet au sens des gestionnaires, des ingénieurs et des gestionnaires, avec un certain vocabulaire, également une certaine façon de conduire sa recherche, donc de supprimer les imprévus. Voilà. Et ça, on pourrait peut-être se poser la question pour conclure s'il ne faudrait pas aussi former les cadres dans les entreprises et les recruteurs à la recherche en sens inverse. Et pourquoi tout l'effort doit être fait du côté du doctorant et du jeune chercheur qui doit se faire connaître en adoptant le langage et les modes de fonctionnement de l'entreprise. Je pense que les entreprises pourraient également bénéficier et tirer un grand profit d'être formées, elles aussi, aux doutes scientifiques, par exemple. Voilà, j'arrête là, je vais dépasser. Merci. Donc la discussion est ouverte. Si vous avez des questions, des remarques. Oui, moi j'ai dit que Mathieu Elie, cet artiste Saint-Quentin, je me demandais quel rôle avait joué, si la BG avait joué un rôle et ce qu'elle, dans la création des services universitaires de professionnalisation des doctorants. Ouais. Parce qu'il y en a, ça se multiplie ces services. Donc voilà. Elles étaient en relation assez poussée. Est-ce que, enfin, contribuer à sensibiliser en effet à la nécessaire formation des doctorants pour se vendre dans le privé. Tel que je les ai vus depuis l'intérieur, ils étaient vraiment focalisés sur leur nouveau chapitre de la thèse, déjà, essayer d'augmenter le public pour cette formation, puisque ça venait de chez eux, c'était un peu leur produit. Les doctorales étaient bien rodées. Le discours vis-à-vis des présidents d'université, par exemple, c'est ça, est-ce qu'ils ont un rôle de lobbying auprès des présidents d'université? Il y avait des contacts, ils sont en contact avec les établissements universitaires. Alors maintenant, ça a changé, ça s'appelle IntelliAgence. Pour être honnête, depuis 2008-2009, je n'ai pas vraiment suivi quelle a été leur politique, leur stratégie. Donc depuis les années qui se sont écoulées, je ne peux pas vous le dire. C'est possible parce que ça a changé de nom déjà, IntelliAgence. Je crois qu'il y a des choses qui sont peut-être devenues payantes et qui ne l'étaient pas parce que il y a eu à un moment une baisse de subvention. Donc il faut voir quelle est leur politique actuelle. Est-ce qu'il y a une tentative d'extension? À l'époque, on n'en parlait pas beaucoup. L'effort était plutôt prospection du privé, essayer d'intéresser beaucoup les entreprises, aller faire connaître les docteurs sur les salons, les forums. J'ai moins entendu ou observé depuis... Enfin, j'étais dans un bureau derrière un écran à faire de l'administration, finalement. Donc, pour être honnête, je n'ai pas du tout eu le poste d'observation, je pense, que j'imaginais davantage sur le terrain. Donc, j'étais très, très, très souvent derrière. Mais ça, je ne peux pas vous le dire même. Il y avait des contacts, oui. Un peu dans le même sens ou en complément, mais j'ai l'impression que l'association Bernard Grégory a joué un rôle d'expérimentateur, et après ce sont les universités effectivement qui se sont inspirées, alors plus ou moins selon la politique de l'université, mais on retrouve des éléments maintenant dans les formations doctorales, en particulier dans les plus petits établissements. J'avais sollicité Olivier Martin pour venir pour parler de Paris 5, parce que je disais, est-ce qu'il y a des choses comme ça à Paris 5? Visiblement, il y a très peu de choses. Par contre, si tu regardes à Limoges, nous étions ensemble dans la formation doctorale, eh bien, il y a toute une composante professionnelle, donc avec aussi ce type de module de PPP, avec des conférences aussi... qui sont un peu caricaturales d'ailleurs par rapport à Bernard Grégory, puisque alors là on va avoir des intervenants pas forcément de très haut niveau qui vont dire aux étudiants qu'ils doivent être des lions et pas des moutons s'ils veulent réussir dans la vie professionnelle, et à tel point qu'un certain nombre de doctorants refusent d'aller dans ces formations, mais on est passé du choix de volontariat à l'obligation, parce que par exemple à l'université de Limoges, s'ils ne suivent pas ces formations, eh bien, ils ne peuvent pas passer leur thèse. Donc, on a quand même une évolution assez significative. Et il y a un certain nombre de professionnels de l'intervention semi-professionnelle qu'on voit tourner dans les différentes universités, comme d'ailleurs ils tournaient dans les CIES, à l'époque des CIES qui formaient les internes, etc. On avait aussi ce type d'intervention. Et en fait, donc PPP, etc. Et moi, la question que je voulais te poser, enfin, c'est aussi, mais tu l'as évoqué un petit peu, c'est la redondance des dispositifs, parce que désormais ils ont du PPP et du module de CV en licence, ils en ont en doctorat et ils vont l'avoir à Pôle emploi dans la période de transition entre l'université et l'emploi. Et enfin, moi j'imagine toujours quels sont ces effets de redondance. Et c'est là aussi, est-ce que ça permet de renforcer l'estime de soi? Moi, j'ai plutôt le sentiment que, justement, ça renforce un peu le stigmate. Parce que, un peu comme aux chômeurs à qui la seule proposition qu'on fait, c'est de faire un stage de retour sur eux-mêmes. Voilà, donc... Oui, ça, c'est l'aspect négatif du projet souligné par Boutinet. En effet, le projet, comme comme symptôme d'échec, pour, suite à un sentiment de, comme il parle, de deuil, de mort carrément, pour essayer de repartir, mais en vivant sans vraiment un échec précédent. L'exemple, je peux dire, ils étaient sensibles. Alors après, dans les universités, c'est vrai que selon les statures, ou même, enfin, pas forcément en termes de statut prestigieux ou pas, mais des correspondants qui pouvaient être très vigilants sur le choix des intervenants, ou moins. Donc ça dépend. Beaucoup de choses reposent après sur ces correspondants dans les universitaires. Peut-être que parmi eux, en effet, des personnes très militantes, mais qui savent peut-être qu'il vaut mieux qu'il y ait quelqu'un de la R&D de l'entreprise voisine qu'on arrive à persuader de venir parler aux jeunes chercheurs, plutôt que un petit cabinet de conseil qui ne connaît pas très bien la recherche lui-même. Au niveau du siège, ils avaient un gros problème de surcharge pour ce bénévole à la retraite cadre de chez Renault, mais qui se démultipliait dans beaucoup d'universités, qui bougeaient un peu sur tout le territoire, mais qui étaient épuisées. Et ils avaient, par exemple, du mal à trouver un autre bénévole de cette stature pour aller se promener, faire passer des entretiens d'embauche au docteur. Là, on était vraiment dans une optique entraînement très appliquée, très pratique, tout de suite. Et il était de bonne qualité, ce monsieur. Donc, ça, c'était vraiment utile, quoi. Ça mise en situation très utile. Mais il savait aussi poser les questions que pose un recruteur de R&D. Voilà, parce que lui-même a été passé par là. Donc là, en effet, ça peut varier beaucoup. Oui, pour les redondances, ça, j'imagine que les calendes. Déjà 2007, là, mon questionnaire, on m'avait demandé de faire cette enquête par questionnaire informatique auprès des organisateurs de doctorial. Donc ça a commencé, ils commençaient à s'interroger, en effet, eux-mêmes, en se demandant attention à ce qu'il n'y ait pas trop de chevauchement, qu'on ne demande pas aux jeunes chercheurs d'entendre trois fois la même chose, quoi, de suivre des modules très proches dans les doctoriales et en dehors. Est-ce qu'on ne peut pas, ils n'étaient pas vraiment arc-boutés sur leur précaré, parce qu'ils se demandaient est-ce qu'on ne peut pas même faire des équivalences, enfin dire que comme il a suivi ce module-là, ça se reviendrait à... Il n'aurait pas besoin de suivre ses deux jours de doctorial pour le libérer pour son laboratoire. Voilà, ils commençaient à être sensibles à cette problématique. Alors après, du côté de l'université elle-même, là, pour gérer ça avec les consultants, je sais pas. Il y a d'autres questions, interventions? Il semblerait alors qu'il faille, pour les doctorants, qu'il faille donc cette espèce de processus de professionnalisation des docteurs. En somme, il s'agit de banaliser la formation doctorale et en fait de la rendre équivalente, de faire en sorte qu'elle apparaisse comme une formation normale, qui semble être quelque chose, une formation normale, c'est une formation qui donne un emploi normal, c'est-à-dire hors université, essentiellement. Dans le secteur marchand, l'histoire de la... traduction d'un parcours de thésard en gestion de projet, c'est finalement, j'entendais chaque fois que vous parliez de ça, la fameuse devise de temps, c'est de l'argent, donc il faut vraiment montrer que, qu'on n'est pas, ce que disait Frédéric, on n'est pas des amateurs dans ce que l'on fait. Je me demande si cette perspective-là n'est de dévalorisation à la fois de ce qui est le cœur même de du métier d'universitaire, c'est-à-dire de former des universitaires, en gros, quand même, enfin, des enseignants-chercheurs, mais là, ça embraye sur le vide, puisque, de toute façon, le public ne recrute pas plus, donc les postes de chercheurs, les postes d'universitaires sont rares, voilà. Donc, il ne reste plus que le privé. Est-ce que cette période, cette phrase, est-ce qu'on peut considérer cette dévalorisation, cette humiliation, enfin, aussi bien des universitaires en poste que de ceux qui forment, puisque tout ça ne vaut pas grand-chose, puisqu'il faut ensuite tout un processus de... comment dire, de désacculturation et acculturation, un nouveau cadre pour que vraiment en faire quelque chose dans le monde réel. Est-ce que ce n'est pas précisément un processus, une sorte de mise sous pression de l'université dans son ensemble pour faire en sorte que celle-ci se banalise et que ces produits soient des produits standards qui ensuite peuvent se couler comme ça dans le moule avec l'effet que l'on voit maintenant, nouveau management public, la logique de la gestion et du fonctionnement de l'entreprise qui s'applique également aux universités, à son fonctionnement. Et du coup, que devient l'histoire? Parce que je me demandais, est-ce qu'il y a des docteurs chez Apple? C'est-à-dire, qui innove? Quel est le background? Quelle est la formation des gens qui, dans les boîtes qui marchent bien, qui sortent des produits à n'en plus finir, qui est responsable de cette innovation? D'où ils sortent, quoi? Est-ce qu'il suffit d'être ingénieur pour faire de la R&D, pour pouvoir produire comme ça, dans son isola, c'est-à-dire sans tenir compte de la recherche fondamentale? Est-ce que ce sont vraiment deux mondes qui s'ignorent? Est-ce que tout ce que l'on vit là n'est pas plutôt une conséquence de ce dont vous parliez, c'est-à-dire que cette espèce de ce dualisme de la formation supérieure, où il y a de l'enseignement supérieur universitaire et de l'enseignement supérieur non universitaire, et où traditionnellement, finalement, les pôles d'excellence, comme on dit maintenant, aussi bien pour le commerce que pour les métiers de l'ingénieur, ce sont des trucs privés qui font ça. Ça rejoint tout à fait le sentiment que j'avais eu en entendant un moment recommander aux jeunes chercheurs, vous oubliez votre thèse. C'est vrai, c'est chaud, ça fait un choc quand on vous dit ça. On est en fin de thèse, juste avant ou après la soutenance, et il faut oublier tout le travail scientifique, il faut pouvoir la résumer en effet de façon très rapide, et ça rejoint tout à fait ça, une sorte en effet de banalisation du travail pour le rendre... Alors, bon, il y a le point de vue positif de la vulgarisation scientifique, rendre accessible un sujet à quelqu'un qui ne le connaît pas, qui ne maîtrise pas, aussi bien ce qu'on peut faire face à des enfants ou face à des personnes hors du domaine. Donc là, ça serait une manière, on va dire, positive de voir une formation consistant à être capable d'expliquer sa thèse dans un langage clair, simple, accessible et de persuader de l'intérêt, de son intérêt à quelqu'un qui n'y connaît rien. Bon, est-ce que c'est une dévalorisation si on prend il y a toute une histoire de la culture scientifique, enfin de parler de la découverte, etc. Où là, ça n'est pas une dévalorisation. Enfin, il me semble, en tout cas, je sais pas, de mon point de vue, là, c'est une opinion, de pouvoir sensibiliser un public totalement profane à une recherche scientifique. Mais, en effet, tel que ça se passe par rapport à l'emploi, aux enjeux d'emploi, c'est banaliser la formation de la thèse pour la présenter comme peuvent présenter des ingénieurs ou des personnes issues d'écoles de commerce, à montrer qu'on maîtrise le même langage que les gestionnaires et que les managers. Et là, ça évacue en effet la spécificité de la thèse. Moi, ce qui me pose beaucoup de problèmes, c'est l'imprévu. C'est l'imprévu, comment on rentabilise, entre guillemets, les découvertes inattendues quand on doit faire des livrables, enfin ces fameux livrables avec résultats attendus. La démarche d'ingénieur, l'ingénieur, il sait ce qu'il veut, il sait à quoi il doit aboutir. Et quand on leur demande, en effet, de montrer qu'ils sont à égalité avec les ingénieurs, ça veut dire qu'ils laissent de côté le piment, on va dire, de la recherche scientifique avec les découvertes inattendues, les cheminements. Enfin, ça, il y a plein de témoignages là-dessus des plus grands scientifiques qui disent qu'il ne faut pas planifier la recherche comme on planifie un projet industriel. Donc, voilà, cette gestion de projet, en effet, peut même être, je dirais, presque dangereuse pour l'innovation. Mais Saint-Gobain, par exemple, employait beaucoup d'ingénieurs, oui, en effet, mais aussi ingénieurs. Le mieux, c'est l'ingénieur-chercheur. Voilà. Là, il ne disait pas que c'était de moins-value. C'est l'ingénieur qui a fait une thèse après. Là, c'était très bien. Bon, il y a des cas particuliers quand même de ceux qui disaient que c'était une perte de temps, mais c'est le docteur purement universitaire qui, lui, a beaucoup de mal, en effet, à faire reconnaître son expertise. Là, en même temps, il y a des logiques économiques, parce que pour les entreprises, elles confient aux laboratoires de recherche la recherche fondamentale, voir aussi la recherche appliquée, parce que le dépôt de brevet, qui se moyennant financement de labos de recherche, on va récupérer les brevets. Je vois, c'est le cas à Limoges avec Xlim. Xlim, le laboratoire qui fait dans la physique appliquée, dans la céramique, donc par rapport à la tradition Legrand. Télécom, voilà, micro-ondes. Oui. Mais là, en fait, il y a des docteurs dans les labos qui travaillent d'une certaine manière pour l'industrie, mais pas dans les entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, les entreprises bénéficient aussi de la recherche publique. Et comme elles ont leur corps d'ingénieurs, ils sont capables effectivement de récupérer, enfin de faire la traduction de ce type de recherche. Et il faudrait voir par rapport à l'Allemagne, où là, il n'y a pas d'école d'ingénieurs, où il y a la tradition beaucoup plus forte de reconnaissance des thèses et des docteurs. Hein. Les Allemands, ils écrivent partout « docteur hein, » même sur leur boîte aux lettres. Là, ça se joue autrement. Je pense qu'effectivement, on paie encore le dualisme qui s'est installé au début du 19e, université et grandes écoles, et c'est la profession plutôt que la science. C'est plus valorisant. Et les scientifiques sont des oppositions binaires, les scientifiques sont trop théoriques, ils ne connaissent pas les réalités du terrain, etc. Et on vit sur ce type d'opposition parce qu'il y a cette coupure fondamentale, à mon sens. Là, j'ai des citations justement dans les nouveaux chapitres de la thèse. Alors, j'ai aussi appris à rentabiliser mon temps de travail. J'ai par exemple bien évalué le temps à investir pour réaliser le temps. Donc on a beaucoup pour le code. Hein, c'était un sujet très compliqué d'informatique appliquée à la physique. Hein. Donc grâce aux collaborations que j'ai pu tisser, j'ai utilisé mon code dans presque tous mes articles. Il parle de complexité quand même, hein. On est forcément de respecter la philosophie, une idée, un article, tout en ajoutant un degré de complexité à chaque nouvel article, progression constante et régulière, l'idée qu'on ne perd pas de temps, oui tout à fait, j'ai tout à fait raison, le temps c'est de l'argent, et ça on essaye de, il faut présenter sa thèse en montrant qu'on n'a pas perdu de temps, et qu'on a eu une cohérence dans les étapes suivies. C'est une reconstruction a posteriori, hein, mais en effet c'est parce que ça banalise... Et en même temps, toutes les durées se réduisent. Alors, se réduisent, parce que c'est 180 secondes de la présentation de la thèse. Oui. Et puis après, la réduction de la durée des thèses sur le mode de en fait, ce qui se fait dans le cadre de la recherche dans les entreprises. Donc, pourquoi les universitaires mettraient tant de temps sur des sujets qui sont trop larges? Donc, même, c'est ce qui nous, maintenant, est devenu une contrainte en sciences humaines et qui vient des sciences dites dures. Ce fut aussi à un moment donné une contrainte pour les censures à qui on fait valoir quels sont les décalages par rapport aux temporalités de la recherche dans les entreprises. Donc tout ça n'est pas sans conséquence, c'est une forme de uniformisation aussi des durées, des temps, au nom du temps perdu, autant du temps qu'ils vont économiser. Mais tout ça, de certaine manière, peut venir aussi de l'univers entrepreneurial. Quoi. Tout à fait. Même dans les entreprises, ça, j'ai un souvenir frappant d'une visite. Sanofi, et un jeune chercheur qui avait, enfin jeune, pas plus si jeune, mais pas un senior, le senior avait fait une carrière donc, dans le management de la recherche, puis après carrément presque éloigné, beaucoup plus éloigné de la recherche. Le junior, il était très déçu de ne pas avoir pu continuer le travail sur le médicament, sur la molécule, qu'on lui avait interrompu son programme de recherche au bout de 2 ans et demi, 3 ans, parce que voilà, les résultats n'étaient pas là. Donc il essayait de ne pas le montrer pendant la réunion avec les jeunes chercheurs, évidemment, pour ne pas avoir l'air trop déçu, mais en discutant un peu après avec lui, les échéances de temps sont redoutables. Donc auparavant, dans le privé, on pouvait mettre au point, en prenant un peu plus de temps, justement, faire de la recherche un peu plus fondamentale, et on ne se voyait pas couper les crédits immédiatement. Il y a aussi le mouvement, des chercheurs du privé souffrent également de mode de gestion par des financiers. Quoi. Ça, c'est évident, y compris dans les entreprises qui faisaient de la recherche. Il y a une belle illustration, c'est France Télécom, qui avait un centre de recherche à Lannion, le PNET, qui faisait de la recherche appliquée, mais aussi de la recherche fondamentale. Et puis, en fait, on a externalisé totalement, on a remis en cause toute la dimension recherche fondamentale, parce que c'est considéré comme coûteux pour un résultat immédiatement non valorisable. Il n'était pas tout à fait fondamental, il était quand même du côté appliqué du médicament, mais il faut plus de temps. Quoi. Même des programmes de recherche appliquée peuvent demander du temps, et ça, ça devient... difficile en effet pour eux dans le privé, et tout à fait on essaye d'appliquer ça dans le public aussi. Belle transition avec le doctorat professionnel.